comprendre la Chine par son histoire. Bonjour et bienvenue à cette 30e émission de Prendre la Chine par son histoire. Carl Derry au microphone et il me fait extrêmement plaisir de vous accueillir à nouveau cette semaine. Alors que nous allons enfin terminer aujourd'hui le chapitre 11 de notre récit historique, ce qui nous permettra de tourner la page sur l'histoire de la Chine impériale et ainsi débuter un tout nouveau chapitre qui portera sur la fondation de la République de Chine en 1912. J'en profite pour mentionner à celles et ceux qui nous écouteraient pour la première fois aujourd'hui que tous les épisodes précédents sont accessibles en ligne sur Internet Archive. Et vous pouvez trouver le lien URL directement sur la page de notre émission sur le site de la radio étudiante de l'UQTR à cfou.ca. Comme on l'a fait au cours des dernières semaines, je vais prendre quelques minutes en début d'émission pour faire un bref suivi de l'actualité, notamment sur les questions de diplomatie internationale et sur l'impact de l'évolution de la guerre en Iran sur les relations entre la Chine et les États-Unis. D'abord, on a appris cette semaine que la fameuse visite de Donald Trump en Chine aurait été reportée au 14-15 mai prochain. Du moins, c'est ce que le président américain a mentionné sur ses habituels réseaux. Et la nouvelle a été reprise par la plupart des médias de la planète. Pourtant, alors que la question a été posée par l'agence Kyodo News lors de la conférence de presse du 26 mars dernier, à savoir si la Chine pouvait confirmer ses dates pour la rencontre entre les deux chefs d'État, la réponse du représentant du ministère des Affaires étrangères de la République populaire de Chine fut seulement de mentionner que la Chine et les États-Unis sont en communication au sujet de cette visite. Et c'est d'ailleurs ainsi que les médias chinois rapportent la nouvelle, comme s'ils avaient compris un peu que ça ne servait absolument à rien de confirmer la date prévue d'une visite qui risquait encore une fois d'être annulée au gré de l'humeur du président américain, celui-là même qui a la réputation de changer bien souvent d'idée. Par ailleurs, Nous avons aussi parlé ces dernières semaines des efforts de médiation entrepris par la Chine pour parvenir à mettre un terme au conflit en Iran. Et on trouvait dans les médias chinois cette semaine le compte-rendu d'un appel téléphonique entre les ministres des Affaires étrangères de la Chine et de l'Iran, à savoir Wang Yi et Seyed Abbas Araghchi. On y apprenait notamment des échanges de messages envoyés par les États-Unis et l'Iran via différents intermédiaires de la région. Mais l'Iran refusait encore de parler d'un dialogue entre les puissances. Sur la question des efforts de médiation, même si la Chine a eu des entretiens avec de nombreux pays de la région, il semblerait que ce soit plutôt du côté du Pakistan qu'il faudrait regarder, puisqu'il s'agit d'un régime dans lequel l'Iran aurait pleinement confiance. Quoi qu'il en soit des tractations politiques entre les grandes puissances, personne n'est dupe sur les intérêts économiques faramineux qui sont actuellement en jeu par cette guerre au Moyen-Orient. Au-delà de la rhétorique de la toute-puissance américaine ou celle du sacrifice absolu de l'Iran, voire la rhétorique de l'indifférence à se mêler des affaires des autres exprimée par la Chine, à nouveau, des populations civiles sont prises en otage par des puissances qui négocient leurs intérêts stratégiques en faisant pleuvoir des bombes. Et lorsque les bombes pleuvent et que les dirigeants font la sourde oreille, le seul langage qui reste parfois pour le peuple, c'est celui de la prière. Et c'est d'ailleurs le thème que j'ai choisi aujourd'hui pour lier ensemble les pièces musicales de la journée. C'est un thème qui est rendu tabou dans notre société qui se veut de plus en plus laïcisée. Mais la prière, ce n'est pas quelque chose qui n'appartient qu'aux institutions religieuses. La prière, c'est d'abord un langage d'espoir qu'on trouve au fond de soi-même. Quand on se retrouve isolé dans nos derniers retranchements, La prière, c'est le langage par excellence du deuil, que ce soit le deuil d'un être cher qui vient de partir, le deuil d'un rêve ou d'un projet qui nous tenait à cœur, mais qu'on doit se résigner à abandonner. La prière, c'est un langage d'espoir qu'on adresse à soi-même, seul face au ciel, une manière de reprendre sa vie en main. Et la première chanson que je vous propose aujourd'hui, c'est une des plus belles prières musicales que j'ai entendues. Une chanson de Towei qui s'intitule tout simplement « Shangdi Paoyo », qu'on peut traduire par « Dieu me garde ». C'est une chanson qui évoque la nostalgie de l'être aimé qui est si loin et dont la chaleur partagée semble perdue à jamais. Voici donc la chanson « Shangdi Paoyo » interprétée par Towei. Nous sommes de retour à l'antenne de Prendre la Chine par son histoire et nous sommes prêts à reprendre le fil du dernier point de notre chapitre 11 portant sur l'impact des villes portuaires et l'émergence d'une nouvelle élite intellectuelle dans la Chine de la deuxième moitié du 19e siècle. On a mentionné la semaine dernière qu'il fallait voir les villes portuaires comme des creusets identitaires, puisque les Chinois et les Occidentaux se côtoyaient régulièrement. Et c'est dans ce contexte qu'on vit apparaître dans ces villes portuaires l'émergence des médias de masse. Le phénomène des médias de masse qui se diffusent dans les villes du littoral chinois au 19e siècle entraîne le développement d'une culture de l'information d'un nouveau genre. Alors que l'ouverture aux étrangers dans ces villes vint avec la multiplication de journaux et de magazines divers, qui attiraient un lectorat curieux de connaître et de mieux comprendre le monde extérieur. Cette ouverture plus poussée sur le monde était certainement le trait commun partagé par l'ensemble de ces journaux, de ces nouveaux journaux et magazines, et ceux-ci favorisèrent le recrutement de journalistes et d'écrivains, tout en contribuant au développement d'un lectorat savant, friand de ces nouvelles qui venaient de l'étranger. Il y a une chose très importante à préciser sur cette situation, à savoir que cet engouement culturel pour les nouveaux médias se déroulait dans le contexte général du mouvement des choses de l'Occident dont nous avons déjà parlé et dans le contexte de ce qu'on appelle le système des traités, Treaty Ports Era, un système qui se déployait à l'ombre des canonnières occidentales et donc du principe légal de l'extraterritorialité qui venait avec, principe qui avait été imposé à la Chine via les traités inégaux. Cette remarque signifie que le pouvoir impérial avait moins d'emprise sur tout ce qui gravitait autour des étrangers et que, conséquemment, les intellectuels qui écrivaient dans ces journaux avaient une plus grande marge de manœuvre pour s'organiser librement et surtout pour faire circuler des textes et une plus grande diversité d'idées, incluant même les germes de projets politiques révolutionnaires. À la fin du 19e siècle, la carrière politique demeurait encore l'idéal à atteindre pour la majorité des lettrés chinois. Mais graduellement, une nouvelle classe d'intellectuels pouvait légitimement aspirer à autre chose. Une nouvelle classe d'intellectuels professionnels se formait donc au contact de ces médias de masse, nourris par un idéal de changement, de découverte et d'ouverture sur le monde. Considérant le contexte dans lequel se développait cette nouvelle intelligentsia, avait une plus grande autonomie à l'égard du pouvoir central, et ses membres nourrissaient un intérêt partagé pour la situation internationale, ainsi qu'un très fort esprit de découverte. Par ailleurs, cette nouvelle élite intellectuelle se développait en parallèle des transformations qu'on pouvait voir dans la société civile qui était alors en émergence. Changements qui étaient nourris par des groupes sociaux qui commençaient graduellement à prendre conscience d'eux-mêmes dans cette nouvelle réalité. On parle ici des marchands, des intellectuels, des travailleurs, des femmes. Ce contexte général constituait en soi un microcosme. Et c'est ce qui a permis à une élite réformatrice de s'organiser, d'abord secrètement, puis publiquement, et de diffuser ses idées de manière autonome, en craignant de moins en moins les représailles politiques. Les villes portuaires ont ainsi facilité les échanges avec les étrangers, et nombre de réformateurs de l'époque ont entretenu des liens privilégiés avec eux, lors de séjours qu'ils ont faits à l'extérieur du pays, comme par exemple Kang Youwei, Liang Qichao ou encore plus tard Lu Xun, qui se rendirent tous au Japon, Sun Yat-sen aux États-Unis ou encore Chen Qitong en France. Ces intellectuels d'un nouveau genre diffusaient leurs idées novatrices au sein d'associations, de groupes d'études, d'écoles, mais surtout de journaux et de magazines dont le nombre des publications allait toujours en augmentant. Par exemple, parmi les exemples de journaux qui furent les premiers à être publiés, on note le journal Shenpao, qu'on appelait aussi parfois le Shanghai News, publiée dans la ville de Shanghai à partir de 1872. Il y avait aussi le Peking Magazine, dont le titre chinois était « Chongxi Wen Tian Lu », soit « Les choses vues et entendues en Chine et en Occident », dont la publication dura entre 1872 et 1875. Vers 1890, on comptait une quinzaine de journaux similaires dans différentes villes portuaires et tous ces journaux étaient axés sur les affaires internationales, contribuant ainsi à la promotion et la diffusion d'idées nouvelles sur la politique, la culture, la société, voire la biologie, les mathématiques, l'astronomie. Les journaux et magazines proposaient aux lecteurs une diversité de sujets, de thèmes et de points de vue, ainsi que des opinions différentes sur la situation internationale et sur la situation en Chine. Même à l'occasion, on proposait des pistes de solutions sur ce qui pouvait être fait pour résorber tel ou tel problème. Ces points de vue étaient énoncés par un large éventail d'intellectuels, incluant des défenseurs de la monarchie, des réformistes conservateurs, des anarchistes, des révolutionnaires, bref, des gens de divers horizons de pensée politique. Parmi les intellectuels qui ont été les plus influents à l'époque, on note en tête de liste Yan Fu, qui est né en 1854. Yan Fu est l'exemple type de ceux qui jouèrent un rôle de premier plan dans la diffusion des nouvelles idées, en particulier par les traductions qu'il fit qui ont eu un impact considérable. Yan Fu a séjourné en Angleterre entre 1877 et 1879 et il a enseigné à l'Académie navale de Beiyang au début des années 1890. Il fut même nommé superintendant de l'Académie. Parmi les traductions majeures de Yan Fu, notons les livres de Thomas Huxley, Evolution and Ethics, Montesquieu, L'Esprit des lois, Adam Smith, La richesse des nations, John Stuart Mill's On Liberty et A System of Logic, mais surtout l'étude sociologique de Herbert Spencer qui présentait les notions fondamentales du darwinisme social. Ce dernier ouvrage postulait notamment l'importance cruciale pour les civilisations et les cultures de savoir s'adapter face aux défis changeants du monde, au risque de disparaître, comme l'avaient fait par le passé les civilisations anciennes. Le darwinisme social a connu un retentissement considérable en Chine, de la même manière qu'il a eu un impact significatif au Japon. Et c'est un des courants de pensée qui a contribué à la réémergence en Chine d'un nationalisme ethnique radical qui misait davantage sur l'ethnie Han et qui visait à renverser les Manchous. Pour plusieurs Chinois de la fin du 19e siècle et du début 20e, si la dynastie Qing avait été incapable de moderniser la Chine, peut-être que l'obstacle était tout simplement le fait que les souverains étaient Manchous et qu'ils n'étaient pas Chinois. Ce qui revient à dire, pour plusieurs, que pour pouvoir moderniser la Chine et assurer la survie de leur civilisation, il fallait d'abord renverser les Manchous. C'est donc dans ce contexte d'effervescence intellectuelle qu'une nouvelle dynamique prit son essor, contribuant à l'émergence de l'élan révolutionnaire que nous verrons au début du prochain chapitre. Mais avant de conclure ce chapitre, je voudrais mentionner très brièvement le nom de quelques autres intellectuels marquants de l'époque, à commencer par Li Hongqiang, qui fut au cœur de la majorité des décisions diplomatiques importantes, dont les négociations avec le Japon dans les années 1880-1890. On note aussi Liang Qichao, qui est un de ceux dont les écrits ont le plus marqué les intellectuels de la première moitié du 20e siècle, ainsi que Kang Youwei, avec lequel il fut impliqué dans la proposition qui mena aux 100 jours de Guangxu en 1898. Mentionnons en terminant Chen Qitong, qui était diplomate, qui a été envoyé en France et qui a écrit plusieurs livres en français permettant de diffuser la culture et favoriser les échanges entre les deux pays. Parmi ses publications en français, on note « Les Chinois peints par eux-mêmes » publié en 1884. Et c'est ainsi que nous sommes maintenant prêts à commencer le chapitre 12 de notre histoire de la Chine à dos de tortue, un chapitre qui s'intitule « La fondation de la République de Chine ». Ce 12e chapitre sera divisé en 5 différentes parties, alors que nous verrons dans un premier temps la révolution Sinaï et la fondation de la République en 1912. Puis, nous aborderons la République sous Yuan Shikai pour voir comment cette nouvelle création politique évolua durant ses premières années. Par la suite, nous prendrons un peu de recul pour situer la Chine dans le contexte plus vaste de la Première Guerre mondiale, ce qui nous permettra ensuite de revenir en Chine afin de parler de la période du mouvement du 4 mai 1919. Finalement, nous terminerons ce chapitre avec une brève section qui nous permettra d'aborder la fondation du Parti communiste chinois en 1921. Mais avant de débuter ce 12e chapitre, nous allons retourner en musique avec une pièce qui nous permettra à la fois de faire le lien avec notre thème de la journée qui porte sur la prière, mais aussi de souligner une dernière fois l'héritage manchou qui est associé à la dynastie Qing. Je dis une dernière fois parce que la révolution républicaine que nous verrons sous peu a non seulement mis un terme à pratiquement 2000 ans d'histoire impériale, en instaurant un nouveau système de gouvernance politique, mais elle a aussi mis un terme à la domination des Manchous qui étaient au pouvoir à Pékin depuis 1644. Celles et ceux qui ont suivi nos derniers épisodes auront remarqué qu'à chaque semaine, depuis que nous avons commencé à parler de la dynastie Qing, il y avait une chanson interprétée en langue Manchou, et aujourd'hui, je vous propose donc une dernière pièce en manchou puisque nous allons tourner la page sur cette dynastie. La chanson que je vous propose s'intitule « Arga Same Wesere Alin » qu'on pourrait traduire par « Contempler le monde du haut de la montagne sacrificielle ». Le verbe « Arga Sambi » peut parfois signifier « avoir une audience à la cour impériale », mais ici, dans cette chanson, le verbe signifie plutôt « admirer au loin depuis un point surélevé ». Wesere est une forme adjectivale qui vient du verbe wesembi, qui signifie « faire une offrande aux divinités » et alin signifie tout simplement « une montagne ». Donc, wesere alin, une montagne sacrificielle. La chanson raconte une réminiscence de la terre natale, qui s'étend à perte de vue, à l'horizon, en rappelant qu'un arbre sans racines ne saurait avoir de branches et qu'un guzheng sans cordes ne pourrait à lui seul jouer de la musique. Voici donc, pour tourner la page sur l'histoire des Manchous, la pièce « Arga Same Wesere Alin » Contempler le monde du haut de la montagne sacrificielle, et nous, on se retrouve tout de suite après la pause. 시든 미니 상에 아림비 아림이 한 Nous sommes de retour à l'antenne de Prendre la Chine par son histoire et nous allons tout de suite à la pause.